La grippe de Lyon par François Copé. Le lieutenant de vaisseau Julien de Ré était revenu dans un triste état de sa station en Cochinchine. Et lorsqu'après 3 longs mois de maladie dans la maison familiale en Touraine, il entra en convalescence et put faire les 100 pas sur la terrasse au bord de la Loire entre son père et sa sœur, avec quel amour elle l'avait soigné, les chères femmes. Le jeune homme éprouvait souvent encore, au souffle déjà froid de l'automne, des frissons assez inquiétants. « Allez passer le gros de l'hiver à Pau, » conseilla le médecin. « Climat doux, pas trop chaud, calmant et sédatif par excellence. C'est ce qui vous convient. Et vous reviendrez dans 3 mois, chez madame votre mère, tout à fait grand garçon. » C'est pourquoi, vers la mi-novembre, accoudé à sa fenêtre ensoleillée de l'hôtel Gardère, Julien de Ré contemplait le sublime panorama des Pyrénées et fumait les délicieuses cigarettes du convalescent, si âpre au goût renouvelé, qui lui rappelait celle qu'il avait jadis grillée en cachette dans l'entrepont du Borda et qui lui rendait les sensations de la 16e année. « Tiens, tiens, tiens, ce pot, mais c'est plein de jolies femmes, » remarqua le jeune homme, la première fois qu'il alla écouter la musique militaire sur la place royale et flâner au soleil devant la statue, en style troubadour du bon roi Henri. Et bien qu'il ne fût ni un libertin ni un fat, le marin, repris d'un bel appétit de la vie, mit sa casquette d'uniforme numéro 1 et sa redingote aux 3 galons d'or neuf où brillait cette rosette de la Légion d'honneur que sa mère lui avait posée sur son lit quand il était si malade et qu'il avait bien cru ne poser qu'une fois sur le drap noir de son cercueil. Comme il avait bien fait de venir à Pau tout de même. C'était exquis ce doux soleil qui chauffe sans brûler, ce bel azur, ce vaste paysage, ce lointain amphithéâtre de collines et tout là-bas, ces cimes de neige dans le ciel. C'était amusant comme tout de circuler dans la foule cosmopolite, parmi les belles étrangères, et d'entendre leur voix parler toutes les langues de l'Europe et se confondre comme les divers chants des oiseaux dans une volière. Sans doute il y avait bien quelques rencontres affligeantes comme celle de ce jeune Anglais, phtisique au dernier degré, qu'un domestique poussait dans une petite voiture, ensevelie sous le plaid et sous les cache-nez, avec des yeux de poisson cuit et un respiratoire de taffetas noir sur la bouche. Ah, cela donnait froid dans les os. Mais après le premier mouvement de pitié, l'homme est si égoïste, Julien songeait que lui aussi faisait peur à voir quand il avait débarqué à Toulon, maigre comme un squelette, de ronds de chocolat sous les yeux, et qu'il était bien guéri maintenant et qu'il revenait de loin. Et respirant l'air tiède à plein poumon, frémissant de bien-être, la caresse du soleil dans le dos, en toilette soignée, rasée de frais, fier de sa rosette neuve, Julien de Ré se sentait heureux d'être au monde, donnait des pièces blanches aux mendiants, attardait son regard sur celui des jolies femmes croisées au passage, et s'arrêtait tout attendri devant les robustes petites filles américaines, bas et gants noirs et robes blanches envolées, qui dansaient en rond autour d'un arbre de la place royale, au rythme du pas redoublé joué par la musique du régiment. Quelle bonne disposition pour devenir amoureux, n'est-ce pas? Aussi l'heureux convalescent reçut-il le coup de foudre, le jour où il vit Mademoiselle Olga Barbarine, la plus belle fille de la colonie russe, descendre de cheval devant l'hôtel Gassion où elle demeurait avec sa mère. Il était 5 heures du soir environ et elle revenait de la chasse aux renards. Les 5 ou 6 adorateurs en habit rouge qui l'accompagnaient avaient mis bien vite pied à terre et s'étaient bousculés à qui lui tiendrait l'étrier. Elle s'était laissée glisser dans les bras du premier arrivé et tout de suite, frappant du pommeau de sa cravache sur une table de la véranda, elle avait demandé une tasse de lait, l'avait bu d'une seule lampée, et tout debout, son svelte corps de déesse du primatis moulé par l'Amazone noire, ses folles torsades de cheveux couleur de cuivre s'échappant du chapeau d'homme et répandues sur ses épaules, elle riait, tenant à 2 mains sa tasse vide, satisfaite et comme grisée par la boisson fraîche, avec 2 moustaches de crème au coin de la bouche, et le soleil couchant dans sa chevelure allumait autour de son visage une sorte de halo d'or. Puis, soudain, redevenue sérieuse, elle posa la tasse sur la table, fit un léger salut du front, plein de dédain, au groupe d'habits rouges, et rentra de l'hôtel d'un pas impérial, en fouettant sa jupe avec sa cravache. 3 jours après, Julien de Ré, qui avait passé son temps à dire à ses connaissances « Qui est-ce ? J'en suis fou, je l'adore, etc. » était présenté, ce qui n'était pas très difficile, chez ces dames Barbarine, et faisait partie du peloton d'amoureux de la belle russe. Était-elle russe, après tout, cette capiteuse créature, qui, depuis le commencement de la saison, galopait toute la journée et valsait toute la nuit? Oui, par son père putatif, par le premier mari de sa mère, le comte Babarine. Mais tout le monde savait fort bien que la mère avait précisément divorcé au moment de la naissance de sa fille, et que Madame Babarine, qui d'ailleurs avait pour père un banquier de New York, nommé Jacobson, avait entretenu de tout temps une liaison presque publique, avec un prince royal du Nord, un Christian ou un Oscar quelconque, liaison dont Olga était probablement née. Avait-elle une nationalité, cet enfant qui avait été élevé à bâton rompu dans une nurserie d'Écosse, dans un couvent de Naples, dans un pensionnat momier de Genève, qui avait dormi le tiers de ses nuits sur les coussins des express et qui ne voyait passer dans ses souvenirs, comme dans un stéréoscope, que les villes d'eau, bains de mer, stations hivernales et autres lieux de rendez-vous élégants où sa mère, une belle personne encore malgré la coupe rose, promenait depuis 15 ans son ennui de coquette sur leur tour, son samovar et ses ouistiti. Hélas, elle n'avait pas de patrie, l'étrange fille, qui à côté de pudeur de vierge, avait des hardiesses de garçon, et qui disait en se moquant d'elle-même « Moi, je ne suis ni de Londres, ni de Paris, ni de Vienne, ni de Saint-Pétersbourg. Je suis de table d'hôte. » Avait-elle une famille? Pas davantage. Son véritable père, l'Oscar ou le Christian auquel Madame Babarine ne cessait de faire allusion, était mort depuis plusieurs années, et quant au comte russe, son père selon la loi, il ne s'occupait jamais d'elle. Ruiné de fond en comble, il n'avait d'autre moyen d'existence que son coup de fusil infaillible, et il vivait en gagnant tous les prix des tirs aux pigeons comme une sorte de bas de cuir civilisé. Quant à la comtesse, malgré de périodiques attendrissements maternels qui donnaient sur les nerfs à tout le monde tant qu'ils sonnaient faux, elle était douée d'un de ces égoïsmes parfaits, absolus, sphériques, qu'on ne trouve jamais en défaut, et pendant une fièvre typhoïde, dont Olga avait failli mourir à 8 ans, Madame Babarine n'avait pas oublié une seule fois, tout en veillant sa petite fille, par respect humain, de mettre ses gants gras pour la nuit, qui lui conservait les mains si blanches. Julien de Ré apprit toutes ces choses lorsqu'il se fut enrôlé dans l'escadron volant de Sigisbée, qui manœuvrait sans cesse autour de Mademoiselle Olga Babarine. Il se mit à aimer éperdument la singulière et troublante fille qui se laissait regarder dans les yeux et qui, le jour où un ami commun lui présenta le lieutenant de vaisseau, lui dit en allumant une cigarette de Ferresli « Ah, c'est vous qui êtes amoureux de moi. Bonjour, monsieur. » Puis elle lui donna une solide poignée de main, comme un homme. Il se mit à l'aimer, l'honnête et brave marin, à l'aimer d'autant plus qu'il ne tarda pas à la comprendre et à la plaindre, car il ne s'y trompa pas. Olga était fantasque, mal élevée, mais sans coquetterie. Et son âme était fière et franche. Qui sait? Peut-être sentait-elle toute la vanité de sa vie d'agitation et de plaisir. Le certain, c'est qu'il jugeait, et sévèrement, ces jeunes gens qui caracolaient auprès d'elle à la chasse aux renards, et qui se faisaient inscrire chaque soir sur son carnet de bal. Tous la désiraient, aucun ne l'estimait, car nul d'entre eux ne s'était encore décidé à la demander en mariage. Aussi les traitait-elle durement, il les rappelait-elle au respect. Leur rude coup de caleçon l'avait l'écuyère. S'il s'avisait de lui parler de trop près dans le cou, pendant le tourbillon d'une valse, ou de presser trop longtemps la main qu'elle leur tendait en camarade. Julien, à qui la délicatesse de son cœur donnait de la pénétration d'esprit, « Allez, ce sous-sombre les naïfs, qui voit le plus juste, découvrit le secret trésor de loyauté qu'il y avait dans cette fille de race, au fond, si malheureuse. Sans doute, il l'aimait pour sa beauté, et la tête lui tournait, quand, dans une halte de danse, il la sentait s'appuyer sur son bras dans sa splendeur de rousse aux yeux noirs, au teint de rose après l'orage, lui parlant avec abandon et l'enivrant de ses yeux d'étoile et de son haleine de violette. Mais il l'aimait aussi, il l'aimait surtout pour ses peines si orgueilleusement cachées, et il avait un cruel serrement de cœur en surprenant le regard sombre, le regard douloureux d'Olga sur sa mère, quand Madame Babarine, à son thé de 4 à 6, assise à contre-jour pour dissimuler ses points noirs, aux ailes du nez, vainement combattues par l'anti-bolbos, évoquait, à mots aussi peu couverts que possible, ses royales conquêtes dans les cours du Nord. L'épouser. Oui, l'enlever de ce milieu plein de périls, l'emporter chez sa mère, à lui, qui était une sainte femme, lui faire respirer la fortifiante et pure atmosphère d'une vraie famille, la sauver, en un mot. Il y songeait, il ne songeait plus qu'à cela. Il croyait même parfois qu'Olga avait deviné son désir. et lorsqu'à ces quatre assises de Madame Babarine, Olga traitait tous ses adorateurs avec sa franchise garçonnière, elle présentait au marin le verre de thé à la russe, il voyait au fond des yeux de la jeune fille comme une douce et lointaine lumière qui semblait répondre à sa pitié généreuse et à sa tendresse infinie. « Oui, mademoiselle, mon congé de convalescence expire dans 8 jours. Je quitterai Pau demain. J'irai passer quelques jours en Touraine auprès de ma sœur, puis de là, je repartirai pour Brest, comme maître de camp du préfet maritime, et dans 1 an, 18 mois, je reprendrai la mer. » Ils étaient seuls dans un coin du salon de lecture de l'hôtel, debout près d'une fenêtre ouverte, devant le ciel de la nuit, où palpitaient des milliers d'étoiles. « Adieu donc et bon voyage !» répondit Olga de sa voix franche et ferme. « Mais j'ai quelque chose à vous demander, monsieur de Ré. Oui, cette grippe de lion montée sur un petit cercle d'or que vous portez en breloque, eh bien, j'en ai envie. Cela vient d'un lion que vous avez tué dans une chasse autrefois en Afrique, n'est-ce pas? Je suis une espèce de fauve, moi. Ce bibelot-là me convient. Donnez-le-moi. Je le garderai en souvenir de vous. » Julien détacha la petite breloque et la mit dans la main de la jeune fille. Mais soudain, il prit cette main entre les siennes et tout bas, ardemment. « Je vous aime, » lui dit-il. « Voulez-vous devenir ma femme ?» Olga dégagea doucement sa main en gardant la griffe du lion. Puis, croisant ses bras sur sa poitrine, elle regarda pendant un long moment M. de Ré bien en face, sans émotion apparente. « Non, » dit-elle enfin, « non. Et pourtant, vous êtes le premier qui m'aime et qui me le dites de cette bonne façon-là. Mais c'est pour cela que je refuse. » « Olga !» s'écria Julien d'une voix altérée. « Écoutez-moi, » reprit-elle en l'interrompant d'un geste, « et comprenez bien pourquoi je vous dis non. C'est que je ne me sens pas digne de vous et que je vous rendrai malheureux. Vous savez bien, cette lettre de votre sœur que vous vous plaigniez d'avoir perdue, eh bien c'est ici que vous l'avez laissée tomber et je l'ai ramassée et je l'ai lue. Votre sœur répondait à la confidence que vous lui aviez faite de vos sentiments pour moi, sentiments que j'ai devinés depuis longtemps. Elle s'en réjouissait en simple et vertueuse enfant qu'elle est, mais dans des termes qui m'ont fait comprendre quelle profonde, quelle effrayante différence existe entre une véritable jeune fille et moi. En lisant cette lettre, pleine de détails intimes et touchants, j'ai vu aussi ce qu'était votre famille, vieille maison d'honnêtes gens où vous ne devez faire entrer qu'une honnête femme. Bénissez Dieu, monsieur de Ré, d'avoir une mère en cheveux gris, à qui vous ne pouvez penser sans sentir quelque chose de délicieusement doux qui se fond dans votre cœur. Moi aussi j'ai une mère, moi aussi, mais j'étais forcé de la juger. Vous n'avez vu que c'est ridicule, monsieur, mais je la connais mieux. Si vous lui demandiez ma main, elle vous la refuserait, parce que vous êtes de petite noblesse et que votre fortune est médiocre. Ma mère a décidé que je ne ferai qu'un grand mariage, ou sinon elle me trouvera autre chose. Hein? J'ai de l'expérience pour une fille de 19 ans. C'est horrible, n'est-ce pas? Mais c'est ainsi. Voilà pourquoi nous étions l'hiver dernier à Nice, l'été dernier à Scheveningue, et pourquoi nous sommes maintenant à Pau. Voilà pourquoi nous roulons comme des colis d'un bout à l'autre de l'Europe, pourquoi nous ne couchons que dans les lits d'auberge et ne mangeons qu'à la table d'hôte. Ma mère a été presque princesse royale, vous comprenez? Il m'a fait entendre dès l'âge de 15 ans que j'étais destinée à être au moins archiduchesse. Fus de la main gauche. Un mariage avec un petit gentilhomme, presque un bourgeois. À ses yeux, je dérogerais. Ah, je dois vous inspirer le dégoût, et je me fais honte à moi-même. Ne protestez pas. Non, vous ne voudriez pas amener devant votre mère, comme votre fiancée, comme votre femme, celle à qui l'on a mis tant de boue dans le cœur. Et puis, je ne suis qu'un objet de luxe, coûteux et inutile, dont vous n'avez pas besoin, qui ne vous donnerait pas de bonheur. D'ailleurs, je ne vous aime point. Je n'aime personne. L'amour, c'est dans les choses qu'on m'a défendu. Adieu, monsieur de Ré, levez-vous et allez-vous-en sans me dire un mot, je vous en conjure. Seulement, vous me laissez votre griffe de lion, n'est-ce pas? Elle me rappellera un honnête garçon envers qui j'ai agi en honnête fille. Ne me dites plus rien et quittons-nous pour toujours. Adieu. 3 ans après, le transport à vapeur du duc Ouédic, revenant du Sénégal, venait de faire escale aux Canaries pour prendre le courrier et continuait son chemin par une nuit de gros temps lorsque le bagmestre entra dans le carré des officiers et déposa sur la table un paquet de journaux. Julien de Ré déploya une feuille d'information venant de Paris et vieille de près de 3 semaines, et il y lut, sous la rubrique « Déplacements et villégiatures », les lignes suivantes. Sa Majesté le roi de Souabe, qui voyage, comme on le sait, dans le plus strict incognito sous le nom du comte d'Augsbourg, est depuis hier soir de Namur. Un fâcheux incident s'est produit à la gare au moment de l'arrivée du roi. La baronne de Hal, qui seulement accompagnée de sa mère, la comtesse Babarine, avait fait le voyage avec sa Majesté, a perdu un bijou de peu de valeur, mais auquel Madame de Hal attache, paraît-il, le plus grand prix. C'est une simple griffe de lion, montée sur un petit cercle d'or. Madame de Hal a promis 2000 francs de récompense à la personne qui lui rapporterait cet objet. Julien, prenez garde. Vous allez oublier l'heure de votre car, mon cher ami. Merci, dit Julien de Ré en jetant le journal et comme sortant d'un rêve. Cette nuit-là, le timonier, qui était seul sur la passerelle avec l'officier de car, vit celui-ci porter son mouchoir à son visage à plusieurs reprises, et pourtant, quoiqu'il y eût beaucoup de vent et de houle, l'embrun n'arrivait pas jusque-là. Ainsi s'achève La Griffe de Lion par François Coppée.